Exercice 8, page 32. A. Elle est belle. Transformée. Elle est belle et adorable. B. Elle est douce. Transformée. Elle est douce et attentive. C. Elle est drôle. Transformée. Elle est drôle et attachante. D. Il est sympa. Transformée. Il est sympa et agréable. E. Il est marrant. Transformée. Il est marrant et inventif. F. Il est charmant. Transformé. Il est charmant et élégant.